Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Coco Chanel est l'affaire du numéro 5. Coco Chanel a prononcé ce nom, immédiatement une silhouette apparaît. Une brune aux cheveux courts, petite et mince, les mains dans les poches de son pantalon en jersey, androgyne et en même temps terriblement élégante dans sa marinière à rayures. La photo date de 1928. Voilà plus de 10 ans déjà que Mademoiselle Chanel a révolutionné la mode, en libérant les femmes de leurs corsets et en inventant pour elles un style nouveau, simple et sophistiqué. Et en 1921, avec le lancement du parfum numéro 5, le succès Chanel est devenu mondial. Comment ne pas être fasciné par cette femme, fille d'un marchand ambulant et d'une couturière pauvre, qui grâce à sa créativité et à son obstination, et grâce aussi à quelques hommes d'affaires visionnaires, va prendre la tête d'un véritable empire. Mais cette femme que l'on aimerait aimer possède également sa face sombre, noire même. C'est elle aussi en effet qui, sous l'occupation, entretiendra des relations troubles avec l'ennemi et qui tentera de profiter des lois anti-juives pour s'approprier la totalité de l'entreprise Parfums Chanel. C'est cette histoire aux couleurs Chanel que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Stéphane Benhamou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur, réalisateur de films. Vous avez notamment écrit et réalisé pour France 5 un passionnant documentaire, La guerre du numéro 5. Alors le numéro 5 de Chanel, qui est né en 1921, est beaucoup plus qu'un parfum. Presque un siècle après sa création, on peut dire que c'est un véritable mythe, non ? C'est un mythe et son histoire est un roman. C'est vraiment une histoire qui commence avec de la modernité voulue par Chanel. Dans tout ce qu'elle faisait, il y avait de la modernité. Et là, elle a tenu à ce que son parfum se distingue de celui de ses concurrents et concurrentes, notamment celui de Jeanne Lanvin, et qu'il n'est pas un parfum de fleurs. Le flacon lui-même est devenu un mythe. C'est une forme qui ne ressemble à aucune autre forme. C'était des flacons un peu rococo qui étaient sculptés. Et elle a voulu le plus simple possible. Et ça va jusqu'au nom. Le numéro 5, elle l'a choisi parce que c'était le cinquième extrait qu'on lui a proposé. Pouvez-vous, Stéphane Benhamou, nous rappeler qui était Coco Chanel, justement, en 1920, quand elle commence justement à vouloir créer un parfum, son parfum ? Alors, elle est d'abord une femme très malheureuse parce qu'elle a perdu celui qu'elle aimait tant, Boy Capel, qui est cet homme très séduisant qui l'a aidé à monter sa première boutique à Biarritz, sa première boutique à Deauville, qui lui a permis de faire ses premières collections très audacieuses. Mais elle est considérée aussi, par les gens bien, si on peut dire, comme une demi-mondaine. Ouais. C'est-à-dire une femme pas bien, justement. Une femme pas très bien, dont il faut se méfier, et elle veut faire quelque chose de très étonnant en 1920, c'est que ce noir qui est réservé aux veuves de guerre, elle veut en faire son emblème. Il faut rappeler quand même qu'elle a eu une enfance pas très heureuse. Elle ne vient pas d'un milieu très sophistiqué, très riche. Une famille, donc je lui disais, un père marchand ambulant, une mère couturière qui meurt quand elle a 12 ans, un père qui l'abandonne. C'est une enfance aussi dont elle ne parlera pas beaucoup, donc qui est auréolée d'un certain mystère. Elle refusera d'en parler ou elle racontera des histoires un peu. Alors, elle racontera des histoires et puis elle coupera aussi avec cette enfance. Elle coupera tout lien avec ses frères en 1939, ses deux frères. Je pense que la seule personne dans la famille pour laquelle elle avait de l'affection, c'était sa sœur, qui meurt en 1915. Et elle reportera cette affection sur le fils de celle-ci, André Palas, qui a accompagné son histoire bien plus tard. Oui, dont on dira d'ailleurs que peut-être elle était la mère. Donc on disait que c'était une demi-mondaine. Alors si en plus c'était une fille mère, ça n'arrangeait pas son cas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle apprend très jeune à se débrouiller seule et elle comprend que pour survivre et pour vivre dans le milieu auquel elle aspire, l'aristocratie, il va falloir qu'elle travaille. Oui, et elle travaille avec acharnement. Elle ne dessine pas, contrairement à bien des stylistes de l'époque, des couturières, mais elle a des idées incroyables qui rompent avec tout. Et elle emprunte les vêtements de ses amants. Et elle impose ce style garçonne avant l'heure qu'on va retrouver dans les romans de l'époque. Coco Chanel qui va donc jouer un jeu assez trouble, parfois même plus que trouble, pendant l'occupation, et c'est ce qui l'amènera à la fin de la guerre à s'exiler plusieurs années en Suisse. Stéphane Benhamou, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Coco Chanel et l'affaire du parfum numéro 5, un texte de Sarah Thibault, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Pascal Deux. Je vous ai demandé un thé il y a 5 minutes. Au Ritz, il serait déjà servi. Oui, voilà. La Suisse, c'est beau, mais tout prend des heures. Même un thé au lait. Oh, quand on ne travaille pas, tout paraît long. Ne rien faire m'ennuie et me met de mauvaise humeur. Ces femmes. On est revenu 40 ans en arrière. Les jupes lourdes, les guêpières, les baleines, les capelines. À quand le retour du corset ? Tout ce contre quoi je me suis battue. Finalement, leur libération, ça a donné quoi? J'ai failli aller en prison, et ce sont les hommes, maintenant, qui font la mode. Le petit Christian Dior, il est bien gentil, mais on ne peut pas dire qu'il libère les femmes. Et ils appellent ça le new look. New look. Je l'avais déjà démodé, dès les années 20. Non, décidément, les hommes ne sont pas faits pour nous habiller. À mon époque, mes rivales étaient des femmes. Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Madame Gray, et même l'Italienne qui faisait des robes, la Schiaparelli. Ce serait le moment pour moi de revenir. Mais ça voudrait dire me rabibocher avec les Wertheimer. Voilà presque 30 ans qu'ils me volent. Ce n'est pas une histoire d'argent, non, mais de principe. 10%. Quand je pense que j'ai accepté ça, seulement 10% sur la société, alors que c'est moi qui l'ai inventé, ce parfum. Je l'ai voulu, je l'ai rêvé. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était après la mort de Boy. Et 3 ans après la fin de la guerre. La première, enfin, la première qu'on ait numérotée. Madame, votre thé. Ah, ce n'est pas trop tôt. Nous sommes au tout début des années 50, à Lausanne, où Gabrielle Chanel vit désormais seule. C'est là qu'elle s'était installée à la fin de la guerre avec un officier allemand, Hans Günther von Dinklage, poursuivant pendant quelques années une aventure commencée à Paris sous l'occupation. Jusqu'en 1953, elle partagera son temps entre la France et la Suisse avec quelques voyages à New York. La couturière, soupçonnée d'avoir collaboré, avait été arrêtée et interrogée à la Libération. Bien que relâchée après quelques heures de détention, elle avait préféré se réfugier en Suisse. Mademoiselle ne s'est jamais ouvertement mêlée de politique. Mais sous l'occupation, elle avait tenté de récupérer à son profit les parts de ses associés avec lesquels elle avait créé les parfums Chanel. L'aventure de ce parfum, le numéro 5, qui associe une couturière de génie et des hommes d'affaires visionnaires, avait commencé à la Bocca, près de Cannes, au début des années 1920, dans le laboratoire du parfumeur chimiste Ernest Beau. Non, Ernest, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on s'approche. Je sens l'odeur du magnolia quand il s'ouvre. L'humus, l'herbe, quelque chose de frais. Il faut peut-être atténuer l'intensité de la tubéreuse. Si je comprends bien, ni trop fleuri, ni trop capiteux. C'est simple. Je veux qu'il y ait 1000 senteurs et qu'on n'en reconnaisse aucune. Vous voulez un parfum abstrait, m'avez-vous dit. J'aime beaucoup cette expression, mais la réalisation n'est pas simple. Vous comprenez, je n'en peux plus de ces fades parfums à mouchoirs de femmes du monde. Ces odeurs fleuries, c'est d'un ennui. En effet. Avec leurs flacons alambiqués, leurs noms racoleurs, je déteste cet exotisme de pacotille. Maharaja, la rose de Rosine. Et fruits défendus. Et Borgia. Borgia, pourquoi pas Landru? En plus, tous ces noms ronflants ne tiennent pas leurs promesses. L'odeur s'évapore tout de suite. J'ai compris, il me semble, vous voulez le luxe dans le jus et la sobriété dans le flacon. Un sacré défi, mais ça me plaît. Pas un parfum qui raconte des sornettes. Un vrai parfum de femme. Quelque chose d'unique, qui tienne sur la peau et qu'on n'oublie pas. Vous l'aurez, mademoiselle. Pour faire tenir l'odeur sur la peau et les vêtements, j'ai une idée. Rajouter une substance qu'on n'utilise pas généralement en parfumerie. Enfin, personne sauf moi. Les aldéhydes. Les quoi ? Les aldéhydes. Ce sont des composés synthétiques. Leur odeur est un peu métallique, grasse, comme orangée. Elle fixe les essences avec lesquelles on les associe et les exalte. Je vais essayer. Dites-moi vite, hein. Plus que jamais, Coco Chanel s'est plongée dans le travail depuis la mort, il y a 2 ans, en 1919, de Boy Capel, son grand amour. Elle se console dans les bras d'un Russe blanc exilé à Paris, le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Les broderies russes et les croix byzantines envahissent la maison de couture. Coco a également été sauvée par son amitié avec Misia Serte, surnommée la Reine de Paris, muse et prêtresse des arts, rencontrée quelques années plus tôt. Un soir de septembre 1921, Coco et Misia rentrent d'une soirée à l'opéra. Coco vient de s'installer dans l'hôtel particulier de Rohan-Montbazon, au 29 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ouh, oh, c'est bon de retirer ses chaussures. Je suis épuisée. Tu veux une coupe de champagne? Un piquant grenadine, plutôt. Robert? Oui, madame. Du champagne et un piquant grenadine. Tout de suite, madame. Ne faites pas cette tête. Vous avez de quoi faire un picon. Bien sûr, madame. Maintenant, les majordomes sont fatigués quand on rentre de l'opéra. C'était une belle soirée. Le deuxième acte, surtout, et les décors. Mmh. Le plus fatigant, ce n'est pas le spectacle, ce sont toutes ces mondanités à l'entracte, dans les loges. Ce que je ne supporte plus à l'entracte, ce sont toutes ces femmes qui ont l'air déguisées. Oh oui. Les couleurs bariolées, ça va sur scène, dans un ballet russe, mais pas dans la vraie vie. Tu verras, Misia. Je vais bientôt les foutre en noir. Coco, on sort à peine de la guerre. Paris n'est qu'un cortège de veuves et toi, tu veux nous remettre en noir. Il y a noir et noir, je t'assure. Avec ce que je vais dessiner, on ne pensera pas au deuil. Tout doux, ma Coco. Tu rentres à peine de vacances et tu veux déjà reprendre ta vie de dictateur. T'enfermer, t'épuiser au travail. Et comme toujours, il faudra qu'on te soutienne, qu'on dise que tout ce que tu crées est génial. Et oui. Et c'est vrai, presque toujours. Et comme presque toujours, tu sauras l'imposer. Un peu avec mon aide. Souvent avec ton aide, Misia. À propos, tu en es où de ton parfum? Ça avance. Vos boissons, madame. Merci, Robert. Bien même. Je sais comment sera le flacon. D'une simplicité radicale, comme un élément de toilette masculine. Ou une flasque de vodka. Je vois d'où vient l'inspiration. Le charme du grand-duc Dimitri plane sur le flacon. En tout cas, je suis contente que tu m'écoutes. Depuis le temps que je te dis de te lancer dans le parfum, avec ton nom en lettres capitales. Dis donc, Misia, tu n'aurais pas tendance à prétendre être à l'origine de tout. Allez, bois ton picon. Bon, et le parfum? Ernest Beau travaille sans relâche. Figure-toi qu'il y aura même dedans des sécrétions animales. Celle de la civette, prélevée en période d'excitation sexuelle. Quoi? Du musc recueilli sur des bouquetins et de l'ambre flotté provenant de cachalots vivants, mûris par le soleil et la mer. Quelle horreur! Ça promet! À l'automne 1921, après des mois d'échanges et de travail acharné, Ernest Beau lui soumet divers échantillons. La première sélection de 1 à 5. Et là, la deuxième série, de 20 à 24. Celui-là, voyons. Non. Non. Ah, ça, c'est intéressant. Mettez l'autre côté. Bien. Celui-là, non. Ah, mais ça... Ah, c'est bien. C'est même très, très bien. Et en plus, c'est le numéro 5. 5. Mon chiffre fétiche, celui des alchimistes. Il y a plus de 80 ingrédients dans ce parfum. La note capiteuse que vous aimez vient de l'ylang ylang des Comores et du néroli que nous produisons ici à Grasse. Il y a tout ce que vous m'aviez demandé. Iris, vétiver, santal, vanille... Ne me dites pas, vous avez rajouté du jasmin. Oui, et c'est ce qui coûte cher. Peu importe, je veux fabriquer le parfum le plus cher du monde et qu'il soit impossible à copier. Ah ça, ils auront du mal à le copier avec mes 80 ingrédients et le pourcentage d'aldéhyde. J'ai toujours été superstitieuse. Et avec tout ce qui s'est passé, la guerre, les Allemands, je le suis encore plus. Les Suisses sont trop pragmatiques. Scott Fitzgerald disait de ce pays que très peu de choses y commencent mais beaucoup y finissent. Un pays de banquiers, ils ne croient qu'aux vrais chiffres, comme les Wertheimer. Comme si les chiffres pouvaient être vrais et ne pas dissimuler des mensonges. Ils s'étonnaient que je demande toujours une suite avec le chiffre 5. C'était mon chiffre fétiche. Toutes mes collections, je les ai présentées le cinquième jour du cinquième mois de l'année, le mois de mai. C'était une évidence. Ce parfum devait porter le nom de numéro 5. Je n'étais pas la première couturière à créer un parfum, mais j'ai été la première à lui donner mon nom et à en faire la carte d'identité de ma maison. Cette maison, Chanel l'avait installée en 1910, rue Cambon, au cœur de Paris, près de la place Vendôme. Pour elle, la beauté est avant tout dans la liberté du corps. Elle habille les femmes en pantalon, ose les bijoux en toque et les perles, portées sur des chandails avec les tout premiers sacs en bandoulière. Nous sommes en 1923. Son parfum est un triomphe pour les clientes fidèles de la maison. Mais très vite, la demande excède la production. Puis-je prendre votre manteau, madame ? Ah, merci, Robert. Madame. Ah, Coco ! Je suis passée rue Cambon tout à l'heure. Il y avait une de ces queues pour ton parfum jusqu'au faubourg Saint-Honoré. Je voulais l'offrir à Bonnard, mais... Je sais, on n'arrive pas à fournir. J'enrage. Tout ce succès et la production ne suit pas. La maison de couture, je sais m'en occuper, mais pour les parfums, je suis novice. Comment toucher plus de femmes ? Qu'est-ce qui te manque ? Les fonds. J'ai besoin d'un soutien financier. J'aimerais bien t'aider, mais là, franchement, Coco, je connais plus d'artistes que de marchands. Pas question de gager ma maison de couture. J'emploie trop de gens qui dépendent de moi. Si Boy était encore vivant, il me conseillerait. Le salut va venir de Théophile Bader, le fondateur et propriétaire des Galeries Lafayette. Nous sommes en 1923 à l'hippodrome de Deauville. Théophile Bader est venu rencontrer dans sa loge Pierre Wertheimer, le fils de son vieil ami Ernest Wertheimer, et frère de Paul, qui est aussi son associé. Aujourd'hui, j'ai eu un gagnant et deux placés. Désolé, cher Théophile, mais nous avons fait mieux. Mademoiselle Chanel va sûrement passer. Comme promis, je vais vous présenter. Très bien. Votre Coco m'intrigue beaucoup. Si j'en croise un ami bien informé, cette couturière serait plus ou moins une demi-mondaine, une cocotte. Pierre, ne vous fiez pas au ragot, c'est une femme de grand talent. Et je suis sûr que vous pourriez faire affaire avec elle. Je me doute, Théophile. Vous ne feriez rien qui pourrait compromettre notre réputation. Je la connais depuis des années. Elle venait se fournir aux galeries. Je lui vendais des formes pour ses chapeaux, en lui faisant des prix. Aujourd'hui, sa maison de couture emploie près de 300 ouvrières. Et tout le monde l'appelle Mademoiselle. Le parfum dont je vous ai parlé... Ah, il est prometteur. Vous avez reçu les échantillons. Oui, je l'ai beaucoup apprécié. Un arôme subtil, indéfinissable. Mademoiselle ! La voilà. Ah, Théophile ! Je vous trouve enfin ! Mademoiselle, je vous présente Pierre, un des fils de mon plus vieil ami, un homme d'affaires de génie, Ernest Wertheimer. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Ses fils Pierre et Paul ne sont pas en reste. Ils ont fait connaître les cosmétiques bourgeois dans le monde entier. Vous avez entendu parler, la poudre de riz de Java. Et ils sont les heureux propriétaires d'Épinard, un cheval extraordinaire. La dernière course qu'il a remportée... Ah, mais vous aimez les chevaux, mademoiselle. Oui, je suis cavalière. Pas une grande, mais j'aime tout ce qui touche les chevaux. J'adore les courses, l'odeur des écuries, les matchs de polo. Une couturière et une cavalière. Et son parfum, Pierre, le numéro 5, se vend comme des petits pains. J'aimerais le distribuer aux galeries. Je n'arrive déjà pas à fournir mes clientes. À Grasse, la production reste artisanale. Mais nous avons notre usine de pantin. On aurait aussi besoin d'étendre les parcelles pour le jasmin, ce qui est coûteux. Je vois. Vous avez besoin de fonds pour développer votre entreprise. Nous pourrions peut-être vous aider. Mais dites-moi, que cherchez-vous avec ce parfum ? Je voudrais que toutes les femmes le portent. Que les hommes l'offrent à leur épouse, à leur maîtresse, que les filles l'offrent à leur mère, et donner envie aux femmes de se l'acheter. Il faut porter un parfum qu'on aime, à soi. Je veux habiller les femmes avec une odeur. Et que toutes celles qui n'osent pas entrer dans une maison de couture puissent l'acheter dans un grand magasin. Justement, nous venons de nous lancer dans la parfumerie. C'est un moment favorable. Il y a peu de concurrents dans ce domaine. Oui, peu de gens s'y intéressent. C'est d'ailleurs ce que me rétorquent les banques pour ne pas me prêter. Les banquiers, mademoiselle, comme les grands patrons, sont souvent très conservateurs. Oh là là ! Avec Paul, mon frère, nous avons un principe. Si les financiers refusent une idée, un projet, c'est qu'il a toutes les chances d'être bon. Vous avez bien raison, c'est bien dit. Alors pour votre parfum, ce que nous pourrions vous apporter, ce serait d'abord des usines qui décupleraient votre production. Oh, ce serait formidable. Hmm. Un bureau à New York pour le distribuer en Amérique, ainsi que des licences de vente dans le monde entier. Et ça, c'est le domaine de Paul. Très bien. Le parfum serait distribué partout, il ferait connaître votre nom et donc aussi la maison de couture. Pour cela, nous disposons d'un ambassadeur de talent, Épinard. Épinard, ambassadeur ? Nous le ferons courir en Amérique et ce sera un bon moyen de lancer là-bas votre numéro 5. Un ambassadeur à quatre pattes. C'est ce qui arrive. Même si Épinard ne remporte pas les courses du Jockey Club, il va constituer une formidable publicité pour le parfum. Et le 4 avril 1924, les quatre associés se réunissent pour fonder la société Les Parfums Chanel. Les frères Wertheimer posséderont 70% du capital, Théophile Bader 20% et Coco Chanel 10%. Dès sa commercialisation à plus grande échelle, le parfum est un succès. Un succès qui ne se dément pas et va croître au long des années 30. En même temps, Chanel continue ses révolutions. Elle crée la fameuse petite robe noire, s'inspire du vestiaire de son amoureux prestigieux, le duc de Westminster, lui emprunte le tweed qui deviendra un de ses tissus de prédilection. Mais dès 1928, elle commence à regretter de n'avoir accepté seulement que 10% sur les parfums. Elle tente alors de revenir sur cet accord, sans succès. Cela devient exaspérant. Encore un soi-disant nouvel expert qui veut nous assigner. Il va encore contester nos relevés de compte. Et encore une fois, il ne trouvera rien, Pierre. J'ai revu les comptes, ils sont justes. Mademoiselle feint d'ignorer tout ce que nous lui avons apporté, les usines, les boutiques, les agences à l'étranger. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je me tue à lui expliquer tout cela noir sur blanc, mais on se heurte à un mur. Elle refuse obstinément de comprendre qu'une partie des bénéfices, les vôtres, les miens, les siens, doit être réinvestie pour développer l'affaire, pour trouver d'autres débouchés. Et on a préservé son pourcentage à chaque augmentation de capital. Mais pour elle, de toute façon, c'est du chinois. Elle ne vient jamais au conseil d'administration qu'elle est censée présider. Les dernières fois, elle nous a envoyé un de ses amis, Paul Irib. Son amant, oui. Il n'est pas plus gestionnaire que je suis archevêque. Et il s'en vante. La dernière, elle vient de perdre le procès qu'elle nous a fait sur un démaquillant qu'on lui aurait volé. Non mais sa mauvaise foi est épuisante. Mais elle a beaucoup de talent. Garçon, vous pourriez rapporter de l'eau chaude pour allonger mon thé. Tout de suite, madame. Je le sais bien, j'ai toujours eu la réputation d'être une emmerdeuse. Dès le début. Ce n'était pas toujours immérité. Il y a tant de choses qui m'exaspèrent. Les dimanches, les dîners à plus de trois, les gens qui parlent pour ne rien dire. Et les grèves, c'est dégoûtant. Moi qui ai toujours travaillé sans relâche pour rembourser ce que l'on m'avait prêté et tout rendu au centime près. Créer cette maison. Une femme devrait faire quoi ? Rester sagement dans son coin à tout accepter avec le sourire ? Pas moi. Oui, je suis une emmerdeuse quand je ne travaille pas. Et aussi quand je travaille. Je veux tout vérifier. Le rendu d'une étoffe, la justesse d'un coup de ciseau, et les comptes, bien sûr, où l'on me vole certainement, je finirai par avoir gain de cause. Cette guérilla n'entache ni le succès du parfum, ni sa diffusion si savamment orchestrée. C'est d'ailleurs ce succès et l'argent qu'il génère qui entretiennent la vitalité de la maison de couture et vice-versa. En 1935, Coco Chanel est à la tête d'une affaire employant près de 4000 personnes. En mai-juin 1936, alors qu'elle vit désormais à l'hôtel Ritz, à deux pas de la rue Cambon, Coco Chanel fait même face à une grève des ouvrières dans l'élan du Front populaire. Il faut dire que la main-d'œuvre féminine est devenue une variable d'ajustement. Les salaires des femmes, comme les aides consenties aux chômeuses, sont inférieurs à ceux déjà très bas des hommes. Chanel, qui a connu la misère, refuse de la voir chez les autres. C'est la première fois qu'on lui tient ainsi tête dans sa maison. Mais Gia, tout est arrêté. Plus rien. Une odeur de mort. Quand je pense qu'elles ont osé me faire ça. Tu te rends compte? Elles me demandent une semaine de 5 jours. Calme-toi. 5 jours, c'est absurde. Moi qui travaille tous les jours de la semaine. Et des vacances payées? À moi qui les envoyais à mes frais se reposer à mi-misant, bien avant ces foutus congés payés. Elles ont mis des piquets de grève devant les ateliers. Tu te rends compte? Elles m'ont interdit d'entrer. Dans ma maison. Arrête tes jérémiades. Tu ne pourras pas gagner cette fois. Il y a des bouleversements partout, c'est dans l'air du temps. Tu n'es pas la seule, regarde autour de toi. Il faut que tu t'adaptes. Avant, on faisait travailler les enfants et on s'arrêtait même pas le dimanche. Elles sont déjà payées 2 fois mieux qu'ailleurs. Et je ne peux pas supporter qu'elles me prennent en otage juste avant la collection d'automne. C'est ce qui s'appelle négocier. Oh. Eh oui, elles savent que tu as besoin d'elles, donc elles demandent plus. Mais il faut que je protège mes intérêts et la maison de couture. Tout ça avec en plus les Wertheimer qui me volent. Oh Coco, là tu radotes. Tu es à la tête d'une affaire florissante. Arrête de t'obnubiler sur tes 10%. Je ne vois aucun changement dans ton train de vie, ni dans ce que tu entreprends. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Et tant mieux. Hier, elles ont défilé sous ma fenêtre du Ritz, au cri de « Descendez Chanel ». Oh Coco. Elles veulent m'imposer une rencontre avec une déléguée d'atelier. Non mais tu te rends compte? C'est hors de question. Je ne sais même pas ce que c'est. Justement, rencontre-la. Et tes ouvrières, parle avec elles. Je crois surtout qu'elles veulent te voir, te parler. Elles t'admirent. J'ai dû céder en 36. J'étais piégée. Je ne l'ai jamais vraiment oubliée. Je déteste courber l'échine, m'humilier, déguiser ma pensée, me soumettre. De toutes les façons, cela ne leur a pas servi à grand-chose. Un malheur n'arrivant jamais seul, après le Front populaire, il y a eu la guerre. Moi, ma dernière collection, je l'ai intitulée « Bleu, blanc, rouge ». Après, hop, j'ai décidé de fermer la boutique. Pendant l'occupation, Mademoiselle garde ses habitudes au Ritz et s'entiche d'un officier allemand, Hans Günther von Dinklage. En 1940, les Wertheimer de confession juive fuient la France pour se réfugier à New York. « Nous sommes bien arrivés, tous en bonne santé, mais le moral est bas », écrit Pierre. Cet exil, le fait de devoir abandonner leur pays et tout ce qu'ils ont créé, provoque des blessures qui ne se refermeront jamais tout à fait. Avant de s'exiler, pour éviter que leur société soit saisie par l'occupant comme tant de biens juifs, ils ont organisé une vente fictive à un associé et ami, l'avionneur Félix Amiot. Félix Amiot fait alors disparaître le nom des Wertheimer du conseil d'administration et des procès-verbaux de Chanel et de Bourgeois, des entreprises qui sont ainsi en apparence arianisées. Félix Amiot va devoir résister aux attaques de Vichy, de la presse collaborationniste, des Allemands, de la Gestapo qui le harcèlera, et aussi, hélas, de Mademoiselle Chanel. Un jour de 1941, Misia Sert vient voir son ami au Ritz. En traversant le hall, j'ai croisé une bonne quinzaine d'officiers allemands, et certains portaient des brassards SS. Ils me dévisageaient comme si je leur appartenais, tout en faisant semblant d'être poli. Tu n'as pas envie de déménager? Écoute, je ne les vois jamais. Les officiers de la Wehrmacht et moi, nous n'avons pas les mêmes entrées. Le personnel m'évite tout contact avec eux. Tu le sais bien, c'est ma maison ici. Je ne vais pas déménager à mon âge. Et tu as remarqué que je ne vis plus dans une suite? J'ai pris cette petite chambre qui donne sur la rue Cambon. On se croise à peine. On vit chacun dans son coin, sans vraiment se voir. Que veux-tu, le Ritz? Cela me rassure. Surtout quand il ne me reste rien d'autre. Et ça ne te fait pas peur de t'afficher avec un Allemand? Mon Allemand, comme tu dis, il est anglais par sa mère et il parle français. Et je l'ai rencontré bien avant la guerre. Oh, mais Coco, c'est un officier allemand. Il travaille à l'ambassade d'Allemagne, une sorte de diplomate. Il essaie d'arranger la situation. Il aime Paris, il fréquente les artistes. Un grand naïf, en somme. D'ailleurs, il a 12 ans de moins que toi. Vas-y, traite-le de gigolo. À nos âges, on ne regarde plus le passeport. Misia, c'est sans doute ma dernière chance de vivre avec un homme. De toute façon, je ne m'affiche jamais en public avec lui. On raconte que c'est un espion pour l'Abwehr. Et qu'il t'a présenté des dignitaires nazis. Ceux que j'ai rencontrés, c'est uniquement pour faire libérer André de son camp de travail. Je l'aime comme un fils, tu le sais. Je vais le faire sortir. Et Hans m'aidera aussi pour les Wertheimer. Je dois absolument récupérer mes parts de la société. Avec les nouvelles lois, leur participation devient illégale. Encore cette histoire. Ne te lance pas là-dedans. Un jour, le vent va tourner et ça te retombera dessus. Tu me parles de la loi, mais rappelle-toi, nous avons de très bons amis persécutés par ces mêmes lois anti-juives. Je me bats en ce moment pour faire libérer le mari de Colette. Mais Coco n'écoute pas les conseils de prudence de Misia. Elle va s'acharner à vouloir récupérer la part de ses associés en faisant valoir leur origine juive. Le 5 mai 1941, dans une lettre adressée à l'administrateur nommé par Vichy, Coco Chanel écrit « Cher monsieur, je me porte acquéreur de la totalité des actions Parfums Chanel, qui sont encore la propriété de Juifs, et que vous avez pour mission de céder ou faire céder à des sujets ariens. » Ces démarches d'appropriation de biens juifs sont courantes en France sous l'occupation, concernant notamment les biens mobiliers ou immobiliers, les petits commerces ou de plus grandes entreprises. En 1942, on réquisitionne ainsi 400 affaires par mois. Vichy se bat pour conserver entre des mains françaises le produit de l'aryanisation menée à grande échelle. Mais pour la société Parfum Chanel, Félix Amyot parviendra à résister, parfois avec l'aide involontaire des Allemands. Ils découvriront par exemple que l'administrateur provisoire travaillant pour Vichy et qui veut s'emparer des parfums Chanel, sous couvert de les arianiser, était un ancien employé de la société, renvoyé par les Wertheimer pour malversation. Les Allemands le disqualifieront, blanchissant du même coup Félix Amyot. Ce Amyot, il n'y connaissait rien en parfum. Au moins avec les Wertheimer, on avait les chevaux en commun. Moi, j'en étais sûre, Amyot et tout ça, c'était une entourloupe pour m'escroquer. Il gardait l'argent et continuait à vendre le numéro 5 dans mon dos. En 39, j'ai fermé ma maison de couture, mais eux, ils n'ont pas arrêté les affaires. Je ne savais pas où, pas comment, mais j'en suis sûre, ils ont continué à faire fabriquer le numéro 5. Effectivement, les Wertheimer continuent pendant la guerre à produire du numéro 5 dans une usine américaine du New Jersey, à Hoboken, et ont signé un accord de distribution avec l'armée américaine. Les Boys raffolent de ce parfum qu'ils offrent à leurs petites amies. Enfin, en 1944, alors que Paris vient d'être libéré, un télégramme parvient aux Wertheimer, signé de leur ami Félix Amyot. Tout va bien, tout est sauvé. Pierre Wertheimer ne reviendra pas s'établir en France, mais il restera toute sa vie très investi dans la maison Chanel. De son côté, Coco, qui n'a été interrogé que quelques heures à la Libération, est parti en Suisse avec son amant allemand. Elle continue de provoquer ses associés. En 1947, les Wertheimer acceptent de rencontrer l'avocat de Coco, René de Chambrun, le gendre de Pierre Laval, l'ex-chef du gouvernement qui a mis en œuvre la politique de collaboration de Pétain. Mademoiselle l'avait choisi bien avant la guerre, mais évidemment, son lien avec Laval ressemble à une provocation de plus. Comme vous le voyez, maître, nous avons continué à régler à Mademoiselle Chanel les sommes que nous lui devions. Nous lui avons envoyé 3 chèques des États-Unis qu'elle n'a pas encaissés. Sur mon conseil, nous voulions d'abord vérifier les comptes. Si nous avions encaissé ces chèques, nous aurions eu l'air de les approuver. C'est de la mauvaise foi. Les toucher signifiait juste que vous nous donniez un quitus provisoire. Ensuite, vous aviez tout le loisir d'essayer de trouver une erreur. Je vous rappelle que nous avons préservé ces 10% en les réévaluant lors de toutes les augmentations de capital et que ce pourcentage vaut donc beaucoup plus. Ce que vous avez fabriqué dans l'usine américaine, vous l'avez aussi vendu au GI avec une détaxe. Oui, comme tous les autres produits dans les ports militaires. Mais les ventes ont été énormes et compensent largement cette remise. On trouve le numéro 5 dans toutes les bases américaines de Tokyo à Anchorage. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, autour de moi, personne ne voulait que je reprenne contact avec elle. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là. Je lui propose un chèque de 50 000 $ et 0,5% du chiffre d'affaires. Ce chiffre est ridicule. Nous ne transigerons pas à moins de 5%. 0,75%. Je vais devoir appeler mademoiselle à son hôtel en Suisse. Vous voudrez bien m'excuser quelques instants. René, vous me promettez que les Wertheimer ne savent pas que je suis ici, à Paris. Je ne veux pas les voir. Ne vous inquiétez pas. Ils vous croient en Suisse. Je leur ai proposé 5%. Les négociations vont durer 8 heures. les Wertheimer vont finalement offrir 350 000 dollars et 2% du chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire environ 1 million de dollars. L'affaire semble réglée. Mais Coco, en Suisse, à plus de 70 ans, se sent désœuvrée, inutile. Elle le fait savoir à Pierre Wertheimer de façon détournée et ils finissent par se parler vraiment de nouveau pour la première fois depuis de longues années. Pierre, je ne suis pas faite pour l'oisiveté. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ? Je veux faire revenir le style en France. Oh, je me doute que vous n'aimez pas le new look. C'est pire, j'enrage. Comment vêtues de ces machins, les femmes peuvent-elles aller, venir, enfin vivre, quoi ? À mon époque, toutes mes rivales étaient des femmes. Vous ne les aimiez guère ? De toute façon, je n'aime pas grand monde. Au moins, elles étaient créatives. Comme vous. Excusez ma franchise, mais pensez-vous vraiment qu'après 15 ans d'absence, vous pouvez revenir à Paris et imposer une nouvelle collection ? C'est ce que j'ai toujours fait, toute ma vie, en suivant mon instinct. Et si je reviens, ce ne sera pas seulement pour les femmes du monde. Je veux que mon style descende dans la rue. En 1954, Pierre Wertheimer accepte de financer pour moitié la nouvelle collection de Mademoiselle, présentée le 5 février à Paris. C'est un échec et on moque le retour de la vieille dame. La simplicité de la collection déconcerte les journalistes. Le premier modèle était un cardigan bleu portant le numéro 5. La modernité de ces tailleurs en jersey n'est pas comprise. Ce qui est perçu en premier lieu, c'est le côté austère de sa collection que l'on juge démodé et donc on s'en prend à son âge. Mais deux mois plus tard, dans un extraordinaire retournement, la même collection triomphe à New York. Les Américains sont fous du Chanel look et les tailleurs de tweed avec la lisière en bordure, les blouses assorties à la doublure, les chaînes seront bientôt connus dans le monde entier, symbole d'une élégance qui libère le corps des femmes. Un succès qui donne enfin raison à Pierre Wertheimer, qui dès le début avait déclaré « Ils disent tous que j'ai tort, mais moi je sais qu'elle a raison ». Contre l'avis de son état-major, Pierre Wertheimer rachète la maison de couture. Mademoiselle devient alors une locataire dans sa maison, ne possédant plus rien en propre. Mais il règle toutes ses dépenses, personnelles et professionnelles, sans limite. Un soir, l'avocat René de Chambrun et sa femme, qui allaient dîner chez Maxime's avec Mademoiselle, sont passés me saluer chez moi. J'ai ouvert la porte. Coco a placé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé. Elle m'a dit « Merci pour tout, Pierre. » Juste ces mots. J'ai toujours eu un odorat très fin. Je pouvais sentir l'odeur des fleurs sur des mains qui venaient de les couper. C'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à inventer avec Ernest Beau un parfum comme le numéro 5. Mon époque m'attendait. Je n'ai eu qu'à venir. Elle était prête. Coco Chanel est l'affaire du numéro 5 de Sarah Thibault avec Odja Lorca, Coco Chanel, Valérie Crouzet, Misia Certe, Martial Jacques, Ernest Beau, Daniel Königsberg, Théophile Bader, Christophe Bro, Pierre Wertheimer et Lionel Mur, René de Chambrun. Bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Claire Levasseur et Dali Yaya, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Coco Chanel avec mon invité Stéphane Benhamou. Karlovich, sha-la-la, was a date. when I did believe the things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry, you drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more cause you took all of this. Sha-la-la. Sha-la-la. Men like me drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Bone dry. Bone Dry sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Serge Viguier. Stéphane Benhamou, donc, nous avons quitté Coco Chanel au moment où elle a 71 ans. Après des années d'exil et d'oubli, elle revient dans la lumière avec sa fameuse collection en 1954, ses tailleurs en tweed. On croyait que Chanel appartenait au passé, à l'avant-guerre, et puis voilà, tel le phénix, elle renaît de ses cendres. C'est étonnant, cette résurrection. Oui, c'est étonnant. C'est dû à son talent et de nouveau à son association avec Pierre Wertheimer. Oui, parce que c'est lui qui va financer la collection et qui va très vite racheter d'ailleurs entièrement la société Chanel. Et puis, c'est un succès qui arrive par les États-Unis. Oui, parce que la France la boude, mais c'est les États-Unis qui la célèbrent. Oui, qui voilà, aime ses tailleurs en tweed. Oui, on est entre Dior et bientôt Saint-Laurent, donc on est très loin de penser faire appel à cette vieille dame qui s'est fait oublier en Suisse aussi, pendant ces quasiment 8 années d'exil, même si elle faisait des allers-retours tout de même. La France peut-être lui en veut encore quand même, pour ce passé un peu trouble, justement, pendant la collaboration, cet amant... quand même, qui était un officier, un espion, peut-être même de l'Abwehr. Alors, est-ce qu'on le sait vraiment? Parce qu'elle n'a jamais voulu en parler. Et on peut se dire à ce moment-là, en tout cas quelques années après la guerre, que finalement c'était une femme amoureuse, comme Arletty pouvait être amoureuse. Qu'est-ce que les Français savaient en fait? Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On disait pas grand-chose. On disait qu'elle était amie avec Serge Liffard, avec des gens qui avaient bien vécu sous l'occupation, qu'elle avait habité au Ritz, alors que l'hôtel était réservé aux Allemands et aux personnalités invitées par le Reich. Mais on disait pas grand-chose d'autre. Et même elle, si, puisqu'elle est restée quand même une bonne dizaine d'années avec son amant allemand, Dinklage, elle disait que c'était avant tout un anglophile, que sa mère était anglaise, que c'était un garçon tellement bien élevé que tout Paris et toute la Côte d'Azur aimait beaucoup avant-guerre. Dans les années 30, on l'aimait beaucoup sur la Côte d'Azur, mais c'était quand même, à partir de 1933, un espion. Ouais. Et il a mis Chanel en relation, justement, avec Schellenberg, avec ses hauts dirigeants des services secrets nazis. Justement, pour rester dans les années 30, on l'a compris, elle a créé avec Ernest Beau et avec les frères Wertheimer ce parfum numéro 5. Donc c'est une création à trois, on peut dire. C'est même sa création à elle. C'est-à-dire que Ernest Beau sait faire des choses formidables. C'est vrai qu'il amène de la chimie là où on met des fleurs, où on met des choses habituelles. Mais c'est sa création. Elle a voulu une œuvre cubiste. On ne reconnaît rien et on reconnaît tout à la fois. C'est quand même une œuvre à trois, parce qu'il faut le technicien, il faut la créatrice et il faut aussi l'argent. Il faut aussi la distribution. L'usine. Quand elle va voir Théophile Bader, qui est le patron des Galeries Lafayette, qui vient de s'associer avec les frères Wertheimer pour lui dire « J'aimerais bien maintenant vendre mes parfums chez vous », il lui dit « Vous êtes gentil, mais vous pouvez en produire combien des parfums ? Moi, il me faut vraiment une grosse quantité pour satisfaire mes clientes. Il est hors de question que j'organise une pénurie. » Et il lui dit « Je peux vous présenter des gens très bien qui sont mes associés et qui sont les propriétaires des usines bourgeois à Pantin. Et il s'agit des frères Wertheimer. Et on va vous proposer, vous faire une offre convenable. » Elle est convenable parce qu'elle va leur en vouloir. Oui. Et ça commence pas en 40, ça commence dès les années 30, on l'a entendu. Cet accord donc, où elle obtient 10%, c'est un accord qui est juste à l'époque. Alors, c'est un accord qui est considéré comme juste parce qu'il s'occupe de créer des usines, de distribuer dans le monde entier, de faire de la publicité. Je pense que si on doit faire une analyse un tout petit peu psychologique, ce qui joue, c'est que c'est son nom qui est sur ce parfum. C'est son image aussi. Hein. C'est son image, parce qu'on se sert de ses photos, mais c'est 10%, elle n'a que 10%, alors que son nom est partout. Et plus son nom va être partout, plus ça va la rendre dingue dans les années 30, elle va multiplier les procédures contre les frères Wertheimer. Alors, ce ressentiment, justement, qu'elle développe dans les années 30, est-ce que c'est dû purement à, voilà, à une femme qui a envie de gagner plus d'argent, qui se sent flouée, ou est-ce qu'il y a aussi une part d'antisémitisme qui se greffe là-dessus? Alors, naturellement, je dirais d'abord que c'est une frustration. C'est qu'on lui dit, mais tu dois être formidablement riche, c'est ton parfum, c'est ta marque. Elle dit non, mais je n'ai que 10%. Et les gens sont surpris autour d'elle. Et elle se dit, c'est pas possible. Je ne pense pas qu'il y ait de l'antisémitisme à la base. En revanche, Chanel, avec une constance toute particulière, a vécu avec des hommes qui étaient connus pour être antisémites. En particulier le duc de Westminster, qui a défendu une politique de rapprochement plus tard dans les années 30 de l'Angleterre avec l'Allemagne nazie. Donc, elle était entourée de personnalités comme lui, qui pouvaient le pousser à attaquer les Wertheimer parce que juif, donc forcément faisant des affaires sur son dos. Et ça a été encore davantage le cas avec son amant du début des années 30, Paul Irib, qui était un grand designer, un type assez exceptionnel, connu pour ses créations en art déco. Elle lui a donné ses affaires à gérer. Et elle a financé en même temps la revue de Paul Irib, qui s'appelait Le Témoin, qui était une revue très clairement d'extrême droite. Paul Irib meurt en 1935. On ne sait pas ce qui serait devenu par la suite. Mais en tout cas, il y avait une constante dans ses relations avec ces gens particulièrement antisémites. Alors, quand arrive la guerre, elle ferme sa boutique. Est-ce que c'est du patriotisme ou est-ce que c'est pour se venger de ses ouvrières qui ont fait grève en 1936 Alors, se venger de ses ouvrières, ça serait se punir un petit peu. En revanche, dire que c'est une collection patriotique, non, pas du tout, c'est pas un réflexe patriotique. Je pense qu'elle était un petit peu dépassée par le succès de ses concurrentes et la principale d'entre elles, Schiaparelli. Je pense que ça l'arrange à ce moment-là d'arrêter ses affaires et de prendre un petit peu de recul. Dans un livre qui est paru en 2011 aux États-Unis et qui est sorti en France en 2012, dans le lit de l'ennemi Coco Chanel sous l'occupation, un journaliste américain, Hal Vaughan, affirme que Coco Chanel était violemment antisémite et que aussi elle était espionne pour le compte de la Beur. Elle était l'agent F7124, nom de code Westminster, comme son amant donc, et qu'elle aurait été missionnée en Angleterre pour favoriser une paix séparée entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie. Est-ce que cette thèse est étayée par des documents fiables ? Oui, en fait, ce qu'on trouve dans ce livre, c'est effectivement des traces de ces deux missions, les deux missions qu'elle a pu accomplir pour les services secrets nazis, qui étaient où elle prétendait pouvoir installer un rapprochement avec l'Angleterre pour une paix séparée. Et c'était une des volontés de certains dirigeants allemands à ce moment-là, c'est de proposer aux Anglais une paix séparée. Elle va faire ses deux missions. Elle prétendra que ces missions étaient pas très importantes et qu'elle les a fait aussi par amour de l'Angleterre. Mais on est quand même quasiment à la fin de la guerre, et l'Angleterre n'a pas besoin des services de Chanel pour s'en sortir. Pour revenir sur la dimension antisémite de Chanel, si elle existe ou pas, en tout cas, il y a des preuves qu'elle s'est servie de lois antisémites et anti-juives pour capter, pour enlever aux véritables propriétaires, qui étaient les frères Wertheimer, la propriété des parfums Chanel et des parfums bourgeois, alors qu'elle n'avait aucun droit sur les parfums bourgeois. Lettre du 5 mai 1941, vous l'avez vue ? Oui, oui, ben les traces de cette histoire existent et elles sont aux archives nationales. Donc voilà, alors on n'en fait pas énormément de publicité parce que la marque est tellement belle et on ne voudrait pas penser que cette femme si géniale se comportait finalement comme le petit épicier du coin qui voulait prendre la boutique de son voisin juif. Mais l'histoire est faite de paradoxes. Mais c'est quand même ça, on pouvait être quelqu'un d'extrêmement moderne et se comporter comme le dernier des salauds. Quels pouvaient être les sentiments de Pierre Wertheimer, à votre avis, quand on voit qu'il, malgré tout ce qui s'est passé, il va continuer de la soutenir en 1954? Alors, je pense qu'il y a une profonde affection dès le début, dès leur rencontre, qui est peut-être allée plus loin, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a de l'affection pour elle, de la patience quand elle entame toutes les procédures. Et après la guerre, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Et en tout cas, il faut préserver absolument cette marque qui est formidable et qui a eu un succès. La marque devient un succès absolument incroyable pendant la guerre. Avant de terminer, je vous propose, Stéphane Benhamou, d'écouter Coco Chanel interviewée par Sophie Dumoulin en 1970. Pourquoi une femme est-elle belle? Que lui diriez-vous pour être bien dans la vie? Ah, je lui dirais d'abord d'être très propre. Après ça, de penser très bien. Ne pensez jamais mal, ça se voit sur votre visage. Et ça se voit dans votre corps aussi, ça se voit partout. Les gens qui pensent mal. Vous comprenez, on fait quelquefois des choses mal, ça fait rien, on se met un petit peu en colère, on se dispute. Mais c'est de penser mal, et je trouve que les gens pensent mal. Aimez-vous notre époque? Je ne crois pas. Je suis romanesque comme personne, vous comprenez? Je suis plutôt sentimentale qu'autre chose, et ce que personne ne croit. Étonnant ce témoignage donc de Coco Chanel, interviewée à 87 ans, c'était un an avant sa mort. Il ne faut pas penser mal, c'est une personne romanesque. Qu'est-ce que cela vous inspire, Stéphane Benhamou? Il n'y a qu'à voir la littérature et la filmographie, enfin les films qui ont été inspirés par elle pour lui donner raison. Oui, c'est une personne totalement romanesque, mais avec des zones d'ombre énormes. Coco Chanel meurt le 10 janvier 1971 à son hôtel, l'hôtel Ritz. Mais sa maison de couture et ses parfums, eux, sont toujours bien vivants. Merci Stéphane Benhamou. Je signale donc que votre documentaire, votre excellent documentaire, La guerre du numéro 5, est visible sur le site France 5. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans le Berry en compagnie de Georges Sand en 1837, alors que la célèbre écrivaine vient de divorcer et de reprendre possession de sa maison, Nohant, son cher Nohant, l'itinéraire d'une femme qui peut enfin vivre libre. Et je recevrai l'historienne Michel Perrault. Georges Sand, un été à Nohant, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, bien sûr, Édouard Baird vous attend avec ses lumières dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.